et pas des phrases chargées gnac. Shit cesse ammoniac, vécu tiens, tu putain de texte à mon actif. Frappe ou esquive-toi, tu connais pas nos ifs, quoi, actif quoi. Toujours sous fumétise et alors phrase en nos caractères. Du hardcore dans les artères, ça vient du terre-terre. Tu sens les flots vénères, frère. 2007, génère à vivre, positif ou négatif. Dans la vie, car le toit pendant ton kiff. Une fois de plus, pose ma voix sur un bon beat. C'est Fancy, dégagé et la clique. Un freestyle technique qui vient de Boulogne-sur-Mer. Enfant du terre-terre, enfant de la terre, on est tous des frères. Je représente ma clique pour qui c'est le début. A chaque rime, je vous touche, ça sert à rien de vous débattre. Dans mon rap, y'a la place pour les vrais, pas besoin de combattre. Dédicace à la rue, pas besoin de débattre. Mon rap n'a rien à voir avec votre histoire. Je suis mon cœur, vous faites semblant de rien y voir. C'est Fancy, ce qui signifie prédisposé à la gloire. Le mic, je fais jouer comme une meuf d'asseoir. On arrive dans le rap. On crée la PAC, pas la fac, mais la rue qui nous a fait signer le pacte. Enfant du terre-terre, enfant de la terre, des enfants perdus que personne peut supporter. On arrive dans le rap. On crée la PAC, pas la fac, mais la rue qui nous a fait signer le pacte. Enfant du terre-terre, enfant de la terre, des enfants perdus que personne peut supporter. Quand je pose sur un chromie, joue pas comique, tu l'aimes si au legs qui te fait taper des colis. Un narcotique, un alcoolique, un putain de rappeur dans un kiff mélancolique. Avec la clique, on t'est pas. Tu m'as déjà entendu, mais pour eux c'est le départ. Tu veux savoir mon place, c'est égalier. Alors quand j'arrive ici, fais gaffe où tu mets les pieds. J'suis baiseur de keuf et baiseur de meuf. Quand j'arrive sur mic, on m'accuse de meurtre. Car je tue les rimes quand elles arrivent. Avec mon flow, je te dis, bienvenue dans la zone à risque. Chez nous les poucaves, attire les pouches-cas. Tu veux du sable, on se connaît pas, je te dis pouche-cas. J'suis hardcore et dangereux sur les PAF. Juste ce soldier en provenant du PDF. On arrive dans le rap. On crée la PAC, pas la fac mais la rue qui nous a fait signer le pacte. Enfant du terre-terre, enfant de la terre, des enfants perdus que personne peut supporter. On arrive dans le rap. On crée la PAC, pas la fac mais la rue qui nous a fait signer le pacte. Enfant du terre-terre, enfant de la terre, des enfants perdus que personne peut supporter.